vie est crue, elle qui t'a fait si belle. Comment puis-je vivre dans la laideur? Comment dis-moi, comment dis-moi, quand tu es parti, tout est parti, plus rien ne rit, plus rien ne vit, tout s'est éteint. Je veux pas que ça s'éteigne, tout s'éteint.